الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. إذا طلبته أعطاك. Quand tu lui demandes, il te donne. وإذا مرضت شفاك. Quand tu tombes malade, il te guérit. وإذا توكلت عليه أغنك. Et si tu t'en remets à lui, il t'enrichit. وإذا نسيته لم ينساك. Et dans le cas où tu l'oublies, lui jamais il ne t'oubliera. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager de Dieu, prière et salut sur lui, dit: اغتنم خمسا قبل خمس. Profite de cinq avant cinq autres. شبابك قبل هرمك. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse. وصحتك قبل سقمك. Et ta bonne santé avant ta maladie. وغناك قبل فقرك. Et ta richesse avant ta pauvreté. وفراغك قبل شغلك. Et ta disponibilité avant ton occupation. وحياتك قبل موتك. Et ta vie avant ta mort. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، يعني على شرط الإمام بخاري والإمام مسلم. Rapporté par l'imam al-Hakim qui l'a qualifié authentique selon les conditions des deux maîtres al-Bukhari et Muslim. Ya Muslim, اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك. صحتك قبل سقمك. غناك قبل فقرك. فراغك قبل شغلك. حياتك قبل موتك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم ومسلمة. أخي أختي فرير سير، هل طبقت هذه الوصية النبوية؟ As-tu mis en pratique ce testament prophétique؟ هل اغتنمت الخمسة؟ As-tu profité des cinq؟ أم هل ضيعت الخمسة؟ وَأَتُ نَجْلِجَ لِسَنْكَ الْيَوْمَ شَبَابٌ وَغَدًا هَرَمٌ. Aujourd'hui il y a une jeunesse et demain ça va être une vieillesse. الْيَوْمَ صِحَّةٌ وَغَدًا سَقَمٌ. Aujourd'hui il y a une bonne santé mais demain ça va être une maladie. الْيَوْمَ غِنَى وَغَدًا فَقْرٌ. Aujourd'hui il y a une richesse et demain ça va être une pauvreté. اليوم فراغ وغدا شغل. Aujourd'hui il y a une disponibilité et demain ça va être une occupation. اليوم حياة وغدا موت. Aujourd'hui il y a une vie mais demain ça va être une mort. ثم قبر suivi d'une tombe. ثم بعث suivi d'une résurrection. ثم حساب suivi d'un jugement, d'une interrogation. ثم جنة أو نار. Puis un paradis ou un enfer. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال إذا صل كان إذا صلى. Lorsqu'il faisait la prière et salut sur lui. قام في الصلاة حتى تتفطر رجلاه. حتى رجلاه يخرج منها الدم. Lorsqu'il faisait la prière, il restait debout pendant la nuit jusqu'au point que ses pieds se fissuraient. Il y avait du sang qui saignait de ses pieds dans la prière. قالت عائشة رضي الله عنها. Notre mère عائشة que Dieu soit satisfait d'elle lui dit: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك. ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنت ما في حاجة لكل هذا، أنت ذنبك مغفور، ليش تصلي حتى يخرج الدم من رجلك؟ Notre mère Aïcha lui dit au messager de Dieu, est-ce que tu fais comme ça malgré que tes péchés antérieurs et postérieurs dans leur totalité sont absous par Dieu, sont pardonnés, sont effacés? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, prière et salut sur lui, ya Aïcha, ô Aïcha, afala akunu abdan shakuran, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant, un serviteur qui remercie Dieu parce qu'il m'a pardonné mes péchés. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Ya Aisha, hadihi al-maghfira lima taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar hiya allati ja'alatni aqum al-layl shukran lillah hatta yakhruj ad-dam min rijli wa ma shakartu Allah haqq shukri. O Aisha, c'est cette absolution de tous mes péchés antérieurs et postérieurs qui m'a poussé à me mettre debout jusqu'au point que mes pieds saignent pour remercier Dieu subhanahu wa ta'ala. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. إننا نتوجه شيئا فشيئا إلى فصل الصيف, on se dirige petit à petit vers la saison d'été. يعني فصل الحرارة وموجات الحرارة, la saison des vagues de chaleur excessive. كلما كانت الحرارة عالية تجد الإنسان في الدنيا يفتش عن الظل وعن الماء البارد. Plus la chaleur devient excessive dans cette vie ici-bas, plus tu remarques que l'individu, la personne, cherche l'ombre dans cette vie ici-bas, pour se mettre à l'ombre, pour ne pas rester en dessous direct du soleil. Et la personne cherche l'eau fraîche. وهذا يذكر المؤمن بيوم شديد الحرارة. Ceci ou cela rappelle aux croyants, aux musulmans, une journée dans laquelle il y aura une chaleur excessive. يذكره بيوم القيامة. Ceci fait rappeler aux musulmans le jour de la résurrection. La dhilla yawma la dhilla fihi illa dhillullah, journée dans laquelle il n'y aura aucune ombre à part celle de Dieu. Il n'y aura pas l'ombre d'une montagne ou d'un arbre ou d'une maison ou d'un abri. Tout va disparaître. La terre sera aplati, plus de montagnes, plus d'arbres, rien, aucune ombre ce jour-ci, à part l'ombre de Dieu. ولا ماء فيه في هذا اليوم لا ماء إلا ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Une journée dans laquelle il n'y aura aucune eau à part celle du messager de Dieu, prière et salut sur lui, ماء الكوثر, l'eau du Kauthar. Al-Ku'us hawla al-Kauthar kan-nujum, les tasses, les verres autour du Kauthar, du bassin ou du fleuve de Kauthar, sont au nombre des étoiles. Malayir al-Malayir min al-Ku'us iti wa sharp, des milliards de milliards de verres viennent et prennent de l'eau de l'Kauthar. Abyad, رواه البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari, أبيض من اللبن وأحلى من العسل, plus blanche que le lait, l'eau du Kauthar, plus blanche que le lait et plus sucré que le miel, رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam مسلم. تريد ظل الله وَمَا رَسُولِ اللَّهِ Veux-tu l'ombre divine? Veux-tu l'eau prophétique? كُنِ الْيَوْمَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ Sois aujourd'hui, aujourd'hui dans l'obéissance à Dieu. تَكُنْ غَدًا فِي ظِلِّ اللَّهِ Et tu seras demain, le jour de la résurrection, à l'ombre de Dieu. خُذِ الْيَوْمَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Prends aujourd'hui la sunna du prophète, prière et salut sur lui. تَأْخُذْ غَدًا الْمَاءَ الْكَوْثَرِيَّ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Prends aujourd'hui la sunna et demain tu prendras l'eau kawthérite de la main du messager de Dieu, prière et salut sur lui. وَبِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ أسافر بكم إلى يوم القيامة. À cette occasion, je vais vous faire voyager vers le jour de la résurrection. انظروا كل واحد يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Remarquez avec moi, chacun dans le jour de la résurrection, regardez les gens, chacun fuit son père, son frère, sa mère, sa compagne, sa femme, ses enfants. انظروا, regardez, الأولاد الصغار خرج الشيب من رؤوسهم لما رأوا من أهوان. Regardez, les petits enfants, leurs cheveux sont devenus gris ou blancs à bas âge de ce qu'ils ont vu comme terreur de ce jour. انظروا كل مرضعة ذاهلة عن ولدها. Regardez, chaque femme qui, ou chaque nourrice est inattentive par rapport à son enfant. Regardez, chaque femme enceinte ce jour-ci va interrompre sa grossesse. Regardez, les gens sont ivres. Et ils ne sont pas en fait ivres. انظروا الكاف ils n'ont pas bu d'alcool. انظروا الكافر يتمنى قائلا يا ليتني كنت ترابا. Regardez, ce jour-ci le mécréant va faire un souhait, oh si j'étais de la terre, une poignée de terre pour ne pas subir le jugement dernier. انظروا الى الملايين من الملايير من البشر. Regardez, des millions de milliards de milliards d'humains. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Dans une journée qui va durer 50,000 ans. Une journée égale à 50,000 ans. انظروا, regardez, كل واحد غارق في عرقه. Chacun est noyé dans sa propre transpiration, dans sa propre sueur. Ara'aytum, avez-vous vu? Yawmun khatirun shadid, une journée difficile, dangereuse, qui viendra un jour. C'est ta'ti fi yawm ziham, une grande foule, harara, une chaleur excessive, insupportable, arq, de la sueur, atash, la soif, khawf, la terreur, intidar tawil, une longue attente, 50,000 sana, 50,000 ans d'attente. La dhilla wa la ma, il n'y a ni ombre, ni soleil, ni eau, wa shamsu fawqa ar-ru'us, et le soleil qui se trouve juste au-dessus des têtes. Unduru الآن هنالك. Regardez maintenant là-bas. سبع مجموعات بشرية. Sept groupes humains. لا يبالون بما يجري. Qui sont insouciants de ce qui se passe ce jour-ci. ولا يعانون من عذاب ذلك اليوم. Et ne souffrent pas de, du châtiment de ce jour. إنهم في ظل الله. Ils sont à l'ombre de Dieu. يوم لا ظل إلا ظله. La journée où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. ماذا فعلوا? Qu'est-ce qu'ils ont fait? حتى صاروا في ظل الله. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter l'ombre de Dieu? تريد أن تعرف هل أنت منهم? Veux-tu savoir? Est-ce que tu en fais partie? هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. Ce sont les gens pour lesquels le prophète prière et sur lui a dit في حديث متفق عليه, dans une parole sainte, dans une parole unanimement authentique, سبعة, sept. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, البخاري ومسلم. Sept seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, البخاري et مسلم. مثل وقوفك يوم العرض عريانا, imagine ton arrêt nu le jour de l'exposition. مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا, effrayé, dans une confusion totale. والنار تلهب من غيظ ومن حنق, les flammes du feu se lèvent par colère. على العصاة ورب العرش غضبانا, et se dirige vers les pécheurs, et le Seigneur ce jour-ci est très fâché. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل, lis ô serviteur ton livre doucement. فلن ترى فيه حرفا غير ما كان, tu n'y verras aucune lettre en plus de ce qu'il y avait. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي, le majestueux appela ou appellera, prenez-le ô mes anges. وامضوا بعبد عصى للنار شيطانا, acheminez-le vers l'enfer tel un démon, ce serviteur pécheur. المشركون غدا في النار يلتهبوا, demain le jour de la résurrection, les associateurs seront en enfer en train de rôtir. والمؤمنون بدار الخلد سكانا, et les croyants seront les habitants de la maison éternelle, le paradis. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا, النار تلهب من غيظ ومن حنق, على العصاة ورب العرش غضبانا. تكلم معه يا آدم, لا, إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله ولا بعده مثل هذا الغضب. يا موسى, لا, ورب العرش غضبانا, اقرأ كتابك يا عبدي على مهل, فلن ترى فيه حرفا غير ما كان. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي, وامضوا بعبد عصى للنار شيطانا, المشركون غدا في النار يلتهبوا, والمؤمنون بدار الخلد سكانا. والآن سنقترب من الظل الإلهي. Maintenant nous allons nous rapprocher de l'ombre divine. لنزور المجموعات السبعة, afin de visiter les sept groupes. ونبدأ بالمجموعة الأولى المكتوبة على بابها, nous allons commencer par le premier groupe sur la porte duquel est marqué إمام عادل, un imam équitable. هذه المجموعة تضم كل العادلين من أئمة المسلمين. Ce groupe englobe tous les justes parmi les imams musulmans. والإمام لا يعني الذي يصلي الصلوات بالمسجد. L'imam là ne signifie pas la personne qui dirige les prières dans la mosquée. ولكن الإمام يعني الحاكم. Mais l'imam là signifie le dirigeant suprême, le premier dirigeant d'un pays. المسؤول الأول عن المسلمين signifie le premier responsable des musulmans. إن كان صالحا عادلا فهو في ظل الله يوم القيامة. Dans le cas où cet imam, ce haut dirigeant, est équitable et juste, il sera à l'ombre de Dieu le jour de la résurrection. من حكم بالعدل والقسط أحبه الله. Celui qui gouverne avec justice, avec équité, il est aimé par Allah. قال تعالى, Dieu dit, إن الله يحب المقسطين, العادلين. Certes, Dieu aime les gens équitables. ومن حكم بالظلم, celui qui gouverne avec injustice, أبغضه الله, Dieu le déteste. ولعنه, le maudit. وحرم عليه الجنة, lui interdit par la suite le paradis. قال تعالى, Dieu dit, إنه لا يحب الظالمين. Certes, il, ça veut dire Dieu, il n'aime point les injustes. وقال تعالى, dans un autre verset, il dit, ألا لعنة الله على الظالمين. Que la malédiction de Dieu frappe les injustes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sur lui dit: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية. ما في عبد الله يعطيه رعية يكون مسؤول عنها. يموت يوم يموت وهو غش رعيته. يوم يأتيه الموت يكون قد غش طول حياته في المسؤولية غش الرعية. إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. متفق عليه البخاري ومسلم. Le prophète dit: quiconque Dieu le rend responsable d'une population et il meurt le jour de son terme en étant trompeur vis-à-vis de ses sujets, Dieu lui interdit l'accès au paradis unanimement authentique. ولا يجب أن نظن أن المطالب الوحيد بالعدل هو الحاكم أو القاضي. Nous ne devons pas croire que le seul concerné par l'équité ou la justice est le gouvernant ou bien le juge ou bien le dirigeant. بل كل مسلم مطالب بالعدل وعدم الظلم. Plutôt, chaque musulman doit être équitable et non injuste. قال تعالى في حديث قدسي. Dieu dit dans une parole sainte: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice. وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Et je l'ai rendu interdite entre vous. Ne soyez pas donc injustes les uns envers les autres. رواه مسلم والترمذي. Rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Tirmidhi. Allah لا يحب الظلم حتى تجاه الحيوان. Dieu n'aime pas l'injustice même à l'égard d'un animal. تعرفون القصة أذكر بها. Vous connaissez tous l'histoire. Je la rappelle seulement. امرأة تدخل إلى جهنم. امرأة مصلية صائمة. Une femme qui faisait la prière et le jeûne entrera en enfer. لماذا? Pourquoi? كانت ظالمة لقطة. Elle était injuste à l'égard ou envers une chatte. Elle l'a emprisonnée. حبستها في الحبس. حبستها فما أعطتها الأكل حتى ماتت. Elle l'a emprisonnée sans lui donner à manger jusqu'à sa mort. À cause de cette action, elle entre en enfer. هذا مع الحيوان. Ceci envers l'animal. فما بالك بمن يحبس رجلا أو امرأة حتى يموت جوعا. Que dire? Ça c'est envers l'animal. Que dire de celui qui emprisonne un homme ou une femme dans une prison jusqu'au point de mourir par faim? أو يحبس عائلة. Ou celui qui emprisonne une famille. أو يحبس شعبا. Ou celui qui emprisonne un peuple dans une prison pour un peuple jusqu'au point de mourir par faim et par soif. ولكننا نتكلم دائما عن ظلم الحكام والقضاة وننسى أنفسنا. Mais toujours on parle de l'injustice des dirigeants, l'injustice des juges, des grands responsables. Et on oublie nos propres personnes. أخي أختي, frère, sœur, هل أنت عادل مع أصدقائك? Es-tu équitable envers tes amis? هل أنت عادل بين أبنائك? Es-tu équitable envers tes enfants? هل أنت عادل مع والديك? Es-tu équitable envers tes parents? ألا تظلم زوجتك? N'es-tu pas injuste envers ta femme? Ala tadlimin zawjak? N'es-tu pas injuste envers ton mari? Hal anta adil bayna ummik wa zawjatik? Hadhihi al-musiba. Akthar an-nas la yahtarimun al-adl bayna al-umm wa bayna az-zawja. Imma yaruhu lil-umm wa imma yaruhu liz-zawja. Ayna al-adl? Es-tu juste dans ta relation avec ta mère et ta femme? Est-ce que tu fais pencher la balance vers ta maman injustement ou tu fais pencher la balance injustement vers ta femme? Où est la justice? هل أنت عادل بين زوجتك وأختك؟ Es-tu équitable dans ta relation avec ton épouse et avec ta sœur? هل أنت عادلة بين زوجك وأبيك؟ Et toi, sœur, es-tu équitable envers ton mari et ton père? بين زوجك وأخيك, entre ton mari et ton frère. ألا تظلم جسمك بإدخال الحرام إليه؟ N'es-tu pas injuste envers ton corps, ce dépôt que Dieu t'a donné lorsque tu lui fais entrer l'interdit, toutes sortes d'interdits. ألا تظلم مالك باستعماله في الحرام والتبذير؟ N'es-tu pas injuste envers ta fortune, envers ton argent, lorsque tu l'utilises dans l'interdit ou tu le gaspilles? ألا تظلم الوقت بتضييعه في الحرام؟ N'es-tu pas injuste envers le temps libre, envers le temps qui est sacré, lorsque tu le perds dans l'interdit? ألا تظلم نفسك لما تضيع أوامر الله؟ N'es-tu pas injuste envers ta propre personne lorsque tu négliges les ordres de Dieu? إذن هل نحن من العادلين المقسطين؟ Donc sommes-nous parmi les équitables, les justes? والله لو كنا عادلين كما أراد الله لما احتجنا إلى محاكم ولا إلى قضاء. Par Dieu, dans le cas où on était des justes, des équitables comme Dieu l'a demandé, nous serions pas, nous n'aurons pas besoin à des tribunaux ou à des juges. ولكننا ظالمين لأنفسنا ولغيرنا. Mais plutôt nous sommes injustes envers nous-mêmes et envers les autres. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala li Mu'ad, le messager de Dieu, prière et sagesse, lui dit à Mu'ad, lamma ba'athahu ila al-waliyan lil-Yaman, lorsqu'il a envoyé Mu'ad comme gouverneur du Yémen, ittaqi da'wat al-madloum, méfie-toi ô Mu'ad de l'invocation d'une victime d'injustice, fa innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab, parce qu'il n'y a entre cette invocation et Dieu aucun voile. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. La tadlimanna idha ma kunta muqtadira, ne sois jamais injuste même si tu en es capable. Fadhulmu yarji'u 'uqbahu ila an-nadami, car l'injustice se transforme toujours en regret. Tanamu 'aynaka wal madlumu muntabihun, tes yeux dormiront et l'opprimé restera éveillé. Yad'u 'alayka wa 'aynullah لم تنمي, pour invoquer contre toi, sachant que Dieu ne dort jamais. قال وهب ابن منبه, l'imam وهب ابن fils de منبه dit, بنى جبار قصرا, un tyran a construit un château. فجاءت عجوز فقيرة, une vieille dame est venue. فبنت إلى جانبه كوخا, et elle a construit au côté du palais une baraque. فرآه الجبار يوما, un jour le tyran a vu sa baraque. فقال لمن هذا, il dit, à qui appartient celle-ci? فقيل لامرأة فقيرة, on lui dit, ça appartient à une vieille pauvre. فأمر بهدمه, il a ordonné la destruction de la baraque. فجاءت العجوز, la vieille dame arrive le soir. فرأته مهدوما, elle a trouvé le lieu mais elle n'a pas trouvé la demeure, elle n'a pas trouvé son palais à elle, sa baraque à elle. فقالت من هدم, elle dit, qui l'a détruite? فقيل الملك رآه فهدم, on lui dit, le roi l'a vu et il a ordonné sa destruction. فرفعت رأسها إلى السماء, elle a levé sa tête vers le ciel. خف من الذي ليس له قاضي في جانبه, ليس له جندي في جانبه, ليس له وزير ولا رئيس في جانبه. Aie peur, mon frère ou ma sœur, de celui qui n'a pas à son côté ni juge, ni policier, ni roi, ni ministre. ولكن بجانبه الله, mais il a à son côté Allah. رفعت رأسها إلى السماء, elle a levé sa tête vers le ciel. وقالت, elle dit, يا رب, ô Seigneur, إذا لم أكن أنا حاضرة فأين كنت أنت يا الله, ô Seigneur, si moi j'étais absente, où étais-tu? Oh mon Seigneur. فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على من فيه بما فيه فقلبه. Et Dieu a donné ses ordres. Si le roi a donné ses ordres, le roi suprême lui aussi a donné ses ordres. Il a donné ses ordres à l'archange Gabriel de renverser le palais sur ses occupants et il l'a fait, il l'a renversé. Da'watul madlou laysa baynaha wa bayna Allah hijab. L'invocation venant d'une personne victime d'injustice, cette invocation n'est pas séparée par un voile avec Allah. ونمر الآن إلى المجموعة الثانية المكتوب على بابها شاب نشأ في عبادة الله. Maintenant, nous allons passer vers le deuxième pour visiter le deuxième groupe sur la porte duquel est marqué un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, dans l'adoration de Dieu. وقد ذكر في الحديث في الرتبة الثانية. Le jeune adorateur a été mentionné dans le hadith du prophète dans la deuxième place. Il occupe la deuxième place. Il est classé deux, juste après l'imam équitable. مباشرة بعد الإمام العادل. لماذا؟ Pourquoi? لفضله عند الله. Pour son mérite auprès de Dieu. لأنه عرف الله في شبابه. Parce qu'il a connu Dieu pendant sa jeunesse. وعبده منذ صغره. Il a adoré Dieu depuis son enfance. لم يلهه اللعب. Il n'a pas été détourné de l'adoration par le jeu. لم يلهه أي شيء عن عبادة الله. Aucune chose ne l'a détourné de l'adoration de Dieu. ظل ملفه نظيفا. Son registre est resté propre. لم يشرب خمرا. Il n'a pas consommé le vin. لم يتناول مخدرا. Il n'a pas consommé la drogue. لم يدخن. Il n'a pas fumé une cigarette. لم يزني بفتاة. Il n'a pas commis le grand crime abominable qui est la fornication avec une jeune fille. لم يسرق. Il n'a pas volé. لم يعتدي على الآخرين. Il n'a pas agressé les autres. بل كان من صغره من الصالحين. Plutôt depuis son enfance, il faisait partie des vertueux. أحب الله. Il a aimé Allah. أحب العبادة منذ فترة الشباب. Il a aimé l'adoration depuis la période de jeunesse. فأحبه الله. Et Dieu l'a aimé. أدخله في ظله يوم القيامة. Il l'a fait entrer dans son ombre le jour de la résurrection. مع مجموعة الشباب العابد. Il l'a fait entrer dans le groupe des jeunes adorateurs. أقول للشباب المسلم. Je dis à la jeunesse musulmane. إنكم في سن شباب. Vous êtes à l'âge de la jeunesse. فلا تضيع هذه الفرصة. Ne ratez pas, s'il vous plaît, cette occasion. لا تضيع ظل الله. Ne ratez pas l'ombre divine. اعبدوا ربكم في شبابكم. Adorez votre Seigneur pendant votre jeunesse. تفوزوا برضا خالقكم. Et vous récolterez l'agrément de votre Créateur. إياكم والانحراف الخلقي. Méfiez-vous de la déviation morale. لا تكونوا من الضالين. Ne soyez pas parmi les égarés. فكفانا ما رأينا. Ça nous suffit largement ce que nous avons vu. من المصائب comme malheur. السجون مملوءة بشباب المسلمين. Les maisons d'arrêt sont pleines par les jeunes musulmans. كل يوم نسمع أنهم سرقوا سيارة أو أحرقوها. Chaque jour on entend qu'ils ont volé une voiture ou ils l'ont incendiée. أو سرقوا متجرا ou ils ont cambriolé un magasin. أو اعتدوا على أحد ou ils ont agressé quelqu'un. أو اغتصبوا فتاة ou ils ont violé une fille. إلى آخره etc. أهكذا يكون شباب المسلمين. Est-ce que ainsi ou comme ça doivent-ils être les jeunes musulmans? Des pirates de route, muhtarifi sariqa, des professionnels dont le vol est le crime. هل ربكم راض عنكم؟ Est-ce que votre Seigneur est satisfait de vous؟ هل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم راض عنكم؟ Est-ce que votre maître محمد prière et soyez satisfait de vous وعن أعمالكم et de vos actions؟ شاب مسلم يضرب أباه في ليلة من ليالي رمضان. Un jeune musulman, il donne un coup de karaté à son père dans une nuit ramadanique. Shabun akhar qatala abahu bisikin. Un autre jeune musulman, il a poignardé, il a tué son père avec un couteau. Wa atasa'al hal lazilna muslimin. Et je m'interroge, sommes-nous toujours musulmans? Amma 'an al-'alaqat al-muharrama bayna ash-shabab wash-shabbat. En ce qui concerne les relations interdites entre les jeunes garçons, les jeunes et les jeunes filles, faqad mala'u al-mustashfayat bi-abna'i zina. Ils ont rempli les cliniques, les maternités par les enfants illégitimes, par les enfants d'adultère. Kanat al-qa'ida. Dans le passé lointain, la règle était, في القديم كانت القاعدة نتزوج ثم نلي. On se marie et par la suite on fait des enfants. صارت الآن القاعدة. La règle d'aujourd'hui نلي ثم نرى هل نتزوج. On fait les enfants et par la suite on va voir est-ce qu'on se marie. مرة دعيت لكتابة عقد زواج بين شابين. Une fois on m'a invité pour écrire l'acte de mariage entre deux jeunes. يعني منذ 20 سنة تقريبا depuis 20 ans approximativement. وعرفت بأن الشاب حامل في الشهر الثامن. J'ai appris de la part des parents que la jeune fille est enceinte au 8e mois de grossesse. فطلبت أن أكلمها على انفراد. ما أردت أن أكلمها أمام أبيها وأمام. J'ai demandé à rester seule à seule avec les deux, le futur mari et la future épouse. Pour rester seule à seule, j'ai pas voulu faire du mal au père de la fille. وقبل البداية, avant, lorsqu'on était trois, كنا ثلاثة, قبل البداية, avant de commencer, أصابهما ضحك متواصل. Ils ont eu un fou rire. Ils ont éclaté de rire. Chacun dans son coin en train de rire. تعجب. Je me suis étonné. S'agit-il d'un moment de rire? Je leur ai rappelé le péché énorme de l'adultère. Je leur ai rappelé la mort. Je leur ai rappelé le châtiment de Dieu. Et comme quoi cette grossesse que je vois devant moi provient de l'adultère. Et comme quoi le fils d'adultère n'hérite pas de son père en islam. Et on l'aligne pas. Il n'a pas d'affiliation avec son père. On peut pas dire c'est le fils de. Il ne peut pas prendre le nom familial de son père. C'est pas son fils. Et je leur ai rappelé à la fin la clémence, la miséricorde infinie de Dieu. لمن تاب من عباده. Pour celui qui se repent à Allah parmi ses serviteurs. ومنذ بدأت في الكلام. Depuis que j'ai commencé à parler, انقطع الضحك. Le rire s'acheva ou s'arrêta. وخيم الهدوء. Et le calme régna. وَبَكَتِ الشَّابَّ. Et la jeune fille a pleuré. وَسَالَتْ دُمُعُهَا فِي صَمْتٍ وَخُشُوعٍ. Ses larmes ont coulé abondamment dans un silence, dans un calme et dans un recueillement. وَكَمْ يَفْرَحُ اللَّهُ بِتَوْبَةِ وَدُمُوعِ الْمُدْنِبِ. Et combien Dieu est content, satisfait des larmes et du repentir du pécheur. من الذي أبكى الفتاة المذنبة الضاحكة. Qu'est-ce qui a fait pleurer la jeune fille pécheuse, rieuse? أبكتها فطرتها الإسلامية. C'est son islam inné qui l'a fait pleurer. لما وجدت من يذكرها بربها. Lorsqu'elle a enfin rencontré quelqu'un qui va lui rappeler son Seigneur. هذا هو الدواء الذي يحتاج إليه اليوم كثير من الشباب المسلم الضائع. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans égarés ont besoin de ce médicament efficace. التوبة دواء التوبة والعودة إلى عبادة الله. Le médicament qui s'appelle le repentir et le retour vers l'adoration de Dieu. Je passe maintenant vers le troisième groupe. Sur la porte duquel est marqué un homme dont le cœur est attaché aux mosquées et non pas attaché à la drogue, attaché au vol, attaché au commerce de la drogue, attaché au bar, attaché aux filles. Non, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Man qada hayatahu fi dhill al-masjid, celui qui passe sa vie à l'ombre de la mosquée, kana yawm al-qiyamati fi dhillillah, sera le jour de la résurrection à l'ombre de Dieu. Rajulun yuhibbu buyut Allah, un homme qui aime les maisons de Dieu, yusalli da'iman fi al-masjid, il prie toujours dans la mosquée, la tafutuhu salatu al-jama'a, il ne rate jamais la prière collective, illa li udr, sauf pour l'excuse. Yushariku bi nafsihi wa malihi fi bina'i wa siyanati al-masajid, il participe physiquement et financièrement dans la construction et l'entretien des mosquées. Idha dakhala al-masjid akhadahu al-haya'u min Allah, lorsqu'il entre à la mosquée, lorsqu'il entre dans une mosquée, il est envahi par la pudeur vis-à-vis de son Seigneur. Yasriru mutawadhi'an, il devient humble. Yusalli, il prie. Yaqra'u al-Qur'an, il lit le Coran. Yadhkurullah, il évoque Dieu. Yata'allam dinah, il apprend sa religion. La ya'ti lil-masjid min ajli al-kalam ma'a al-ashab, il ne vient pas à la mosquée dans le but de parler à l'intérieur de la mosquée avec des amis. Wa la min ajli an-nukath wad-dahik, et non pas pour raconter des blagues et rire dans la mosquée. Wa la min ajli as-surakh aw al-khusuma, et non pas pour le cri ou la dispute avec les musulmans, les musulmanes. Wala min ajli ida'in nas, il ne vient pas pour nuire aux gens. Wala min ajli tashwish 'ala al-musallin aw al-dhakirin, il ne vient pas pour déranger les prieurs ou les évocateurs. Bi kalamihi wa dhahiki, avec ses paroles hautes ou avec son rire répétitif. Wala min ajli ish'al nar al-fitna fi bayti Allah, il ne vient pas à la mosquée pour allumer le feu de la discorde entre les musulmans. من كان هكذا, celui qui est ainsi, hani'a Allah, félicitations à lui. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul, le prophète prière et lui dit, man ghada ila al-masjid aw rah, quiconque part ou revient de la mosquée, a'adda Allah lahu fil janna nuzulan kullama ghada aw rah, Dieu lui prépare une demeure dans le paradis pour chaque aller et chaque retour. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa namurru al-ana ila al-majmu'ati ar-rabi'ah, maintenant nous allons passer vers le quatrième groupe. Al-maktubi 'ala babiha, sur la porte duquel est marqué rajulani tahabba fi Allah, deux hommes ou deux femmes qui s'aimaient mutuellement pour Dieu. Ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi, ils se rencontraient et se séparaient pour lui. فَهَذَانِ رَجُلَانِ تَصَادَقَ, il s'agit là de deux hommes qui ont noué une amitié entre eux. لَا عَلَى طَمَعٍ, non pas pour la cupidité. وَلَا عَلَى حَرَامٍ, et non pas pour faire l'interdit ensemble. وَلَا عَلَى دُنْيَا, et non pas pour acquérir les biens de ce bas monde. وَلَا عَلَى مَصَالِحٍ, et non pas pour des intérêts personnels. وَلَا عَلَى كَلَامٍ فِي النَّاسِ, et non pas pour faire la médisance ensemble. وَلَكِنَّ الَّذِي جَمَعَ بينهما هو محبة الله, la seule chose, le ciment de leur amitié était l'amour de Dieu. فأحبهم الله لإخلاصهم, et Dieu les a aimés les deux pour leur sincérité. في حبهم لبعضهم إخلاصهم في حبهم لبعضهم, il les a aimés pour leur sincérité dans leur amour mutuel. ووهبهم في المقابل ظله يوم القيامة, en contrepartie il leur a offert son ombre le jour de la résurrection. وروى الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, l'imam al-Nasa'i, l'imam Ahmad et d'autres ont rapporté sur le prophète صلى الله عليه وسلم, أنهم يجلسون على منابر من نور, comme quoi ils seront assis sur des minbars de lumière le jour de la résurrection. ولا يعرفون الخوف ولا الحزن, et ils ne seront pas saisis par la terreur de ce jour ou la tristesse. أرأيتم جزاء الحب في الله, avez-vous vu la récompense de l'amour pour Dieu? ولكن رغم هذا الجزاء العظيم على الحب mais malgré cette grande récompense pour l'amour فنحن اخترنا العداء والبغضاء nous avons préféré l'inimitié et la haine والكراهية والحقد nous avons préféré la détestation et la rancune والحسد في سبيل النفس والانتقام et la jalousie pour satisfaire son ego et pour se venger بدل الحب في الله au lieu d'opter pour l'amour en Dieu أخي frère كم لك من صديق Combien as-tu d'amis? Ourti, kam laki min sadiqa? Ma sœur, combien as-tu d'amis, de copines? A'ikhtartahum lillah faqat? Est-ce que tu les as choisis uniquement pour Dieu, ces amis? Akhi, ourti, frère, sœur, hal takhtar asdiqa'ak min ajli tahqiqi masalihik wa ahdafik? Est-ce que tu choisis tes amis? Et tu mets dans ta tête le but de réaliser tes intérêts grâce à cette amitié, d'atteindre tes objectifs grâce à cette amitié, min ajli mardat Allah, ou est-ce que tu as choisi tous tes amis afin de satisfaire à Allah? Al-asl, en principe, tahtar ka sadiq, man idha ra'aytahu dhakkaraka billah. Normalement, tu dois choisir comme ami celui que, lorsque tu le vois, il te fait rappeler Allah. Et non pas, il te rappelle la drogue ou les filles. إِذَا تَكَلَّمْ زَادَ إِمَانُكَ Tu dois choisir comme ami celui qui, lorsqu'il parle, ta foi augmente. حَالُهُ يُشَجِّعُكَ عَلَى الْعِبَادَةِ Tu dois choisir comme ami celui que son état t'encourage à adorer. يُبْعِدُكَ مِنَ الدُّنُوبِ Il t'éloigne des péchés. فَتُحِبُّهُ لِلَّهِ وَيُحِبُّكَ لِلَّهِ Et tu l'aimes uniquement pour Dieu et il t'aime uniquement pour Dieu. هذا الحب عبادة في الإسلام. Cet amour est une adoration en islam. فَإِذَا كُنْتَ تُحِبُّ الصَّالِحِينَ مِنَ النَّاسِ وَتُحِبُّ الْعُلَمَاءَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَعَلَى رَأْسِهِمْ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Dans le cas où tu aimes les vertueux parmi les gens, tu aimes les savants, tu aimes les prophètes et à leur tête notre maître Mohammed, prière et salut sur lui, tu seras avec eux le jour de la résurrection. Mais dans le cas où tu aimes les pécheurs, sûr et certain, tu seras avec tes bien-aimés les pécheurs le jour de la résurrection. قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et ça sur lui dit المرء مع من أحب l'individu sera avec les gens qu'il aimait متفق عليه unanimement authentique البخاري ومسلم أقول من كان يكره الصالحين من الناس فهذه علامة على أنه ليس من الصالحين je dis celui qui déteste les vertueux parmi les gens cela est une preuve comme quoi il ne fait pas partie des vertueux. Je passe vers le cinquième groupe sur la porte duquel est marqué un homme qui a été invité par une femme qui a une dignité et une beauté rare. Et sa réponse était je crains Allah. في هذه المجموعة يوجد من كان قريبا من الزنا كل من كان قريب من الزنا dans ce groupe se trouve toute personne qui était toute proche de l'adultère بمعنى أن امرأة لها جاه ومال وجمال صديقية une femme douée d'un pouvoir d'une richesse d'une beauté وهما وحيدين بعيدين عن أعين الناس les deux étaient seuls à seuls loin des regards des gens وتطلبه لنفسها et la femme lui demande pour elle فيقول لها إني أخاف الله رب العالمين et il lui sort cette phrase noble non je crains mon Seigneur je crains Allah Seigneur des univers أو العكس ou le contraire رجل ذو جاه ومال وجمال ou le contraire un homme doué de beauté de fortune de pouvoir يطلب امرأة qui demande une femme pour l'interdit فتقول لا إني أخاف الله رب العالمين et elle lui sort cette phrase noble non je crains Allah Seigneur des univers هذا يذكرنا بيوسف عليه السلام cela nous rappelle Joseph prière et sa souris لما غلقت امرأة العزيز الأبواب lorsque la femme du premier ministre a fermé toutes les portes derrière lui وكانت جميلة elle fut très belle وكان يوسف عليه السلام جميلا للغاية Joseph prière et sa souris était très très très belle très très beau وكشفت له عن محاسنها elle lui montre sa beauté intérieure cachée وطلبت منه النوم معها على فراش سيده elle lui demande de dormir avec elle sur le lit de son maître فقال il a donné cette réponse sous forme de verset coranique معاذ الله Dieu m'en garde إنه ربي زوجك هو ربي يعني سيدي إنه سيدي إنه ربي أحسن مثواي C'est mon maître, il m'a bien traité. Fala arushu, je peux pas le tromper. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Certes, les injustes ne cueillent aucun succès. Wa rafada Yusuf al-'ard raghma jamaliha wa maliha. Joseph a refusé la proposition malgré sa beauté, sa fortune. Akhi ukhti, frère sœur, kullu man kana qariban min ayy ma'siyah kabira aw saghira. Toute personne qui était un jour proche ou toute proche n'importe quel péché énorme ou petit ولكن في اللحظه الاخيره تذكر الله mais au dernier moment il s'est rappelé de Dieu فارتعدت فرائسه et ses muscles ont tremblé وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم et il a dit je demande protection à mon Seigneur contre le démon lapidé استغفر الله je demande pardon à Dieu ولم يفعل المعصيه et il n'a pas commis le péché حياء من الله par pudeur vis-à-vis de Dieu الذي يراه الله الذي يراه Dieu qui le voit فله اجر كبير عند ربي il aura un immense salaire auprès de son Seigneur لانه وعليكم السلام لانه حارب نفسه parce qu'il a lutté contre son ego وشيطان il a lutté contre son démon وحارب هواه il a lutté contre son désir وانتصر عليهم et il a pris le dessus contre eux tous ونقف إن شاء الله عند هذا الحد on s'arrête à ce point ونسأل الله تعالى وتبارك التوفيق et on demande à Dieu subhanahu wa ta'ala son aide.